Je m'adresse aux supervivants et également à ceux qui aspirent à l'être, à le devenir. Des gens qui visent à vivre de la plénitude de leur être, donc des gens qui connaissent présentement une mutation psychique, une altération de leur conscience en relation avec la descente de l'énergie du supramental et qui sont appelés à harmoniser leur vie et la recodifier en fonction d'éléments évolutifs et de se sortir ainsi des tabous, des préjugés qui gardent l'individu dans une conscience endormie, l'associant à l'involution, qui est la période de la descente de l'énergie dans la matière. Mais éventuellement, lorsque le taux vibratoire est appelé à se rehausser et de la psyché de l'individu, eh bien, le processus évolutif s'entame. Donc, les gens qui sont concernés par ça, eh bien, c'est à eux que je m'adresse. Donc, les gens, entre autres, qui s'impliquent dans un travail d'harmonisation psychique pour se développer d'une manière intégrale, que ce soit par rapport au plan physique, donc être en bonne forme physique, ça peut être à travers l'entraînement physique, des exercices de détente, de méditation, de yoga, de respiration. Ensuite, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc, les gens qui font un travail d'intégration de leur centre émotionnel pour qu'ils soient capables d'absorber les chocs du quotidien auxquels ils peuvent être confrontés en relation avec une harmonisation de leur émotivité à leur être, c'est-à-dire à leur esprit, pour qu'à ce moment-là, une stabilité psychique qui ait la construction à l'intérieur d'eux d'un centre de gravité permanent et perturbable par les perturbations de la surface de leur environnement. Autrement dit, qu'il y ait une dimension en eux qui soit cristallisée, qui leur permettent de faire face à n'importe quel événement dans un état de stabilité psychique qui leur permet de continuer d'être branchés à eux-mêmes. Donc, autrement dit, que la personne reste branchée à son soleil intérieur, qu'elle peut se donner en intégrant l'énergie de l'esprit et qu'elle peut se permettre de rayonner. Et ça, peu importe à quel événement auquel elle est confrontée. Donc, le travail d'harmonisation des émotions à l'être global vise à ce qu'il y ait une seule masse d'énergie unifiée, qu'il n'y ait pas d'un côté le corps émotionnel qui soit séparé de la dimension intellectuelle ou qui soit séparé du corps biologique. Il faut que toutes les composantes de l'être humain soient harmonisées par une énergie globale et qui forment un bloc monolithique d'être. Donc, il y a l'harmonisation physique, l'harmonisation émotionnelle et aussi, bien entendu, l'harmonisation intellectuelle. Donc, le mental, l'intellect, à l'esprit, bien sûr, et aussi l'harmonisation à la dimension psychique. Donc, autrement dit, le grand travail d'harmonisation consiste à se développer d'une manière totale par rapport aux différents aspects au niveau humain pour être bien dans sa peau puis vivre en fonction de son plein potentiel et ainsi devenir un super vivant, plutôt qu'être quelqu'un qui va vivre dans un état d'inconscience, de souffrance, de croyance et de limitation. Donc, pour devenir un super vivant, il faut être capable d'investir sa vie de conscience. Il faut être capable de faire preuve de l'exercice de sa volonté pour s'avantager, prendre toute sa place dans sa vie. Il faut être capable par la suite de se développer au niveau de l'intelligence. Donc, ne pas croire que l'intelligence se limite à l'accumulation d'informations mémorisées par l'intellect, mais de réaliser que l'intelligence a également une dimension transcendantale que vous pouvez capter lorsque vous vous branchez sur votre esprit, qui vous donne accès lorsque vous êtes en unisson avec lui sur le plan psychique au savoir fondamental que vous portez en vous, qui est de nature vibratoire. Donc, c'est sûr que le développement d'intelligence qui m'intéresse et de nature au-delà de la simple dimension physique, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui permet à l'être humain d'être dans un état de cohérence interne, de mettre un ordre dans son rapport à l'environnement, et ce n'est pas le produit de la réflexion, mais c'est plutôt le produit de l'émission d'une vibration. Et l'intelligence, l'être humain se la donne lorsqu'il se permet d'être à l'écoute de son intériorité et d'agir en conséquence. Donc, c'est sûr que l'intelligence réelle, c'est ce qui est appelé à prendre de son ampleur chez les individus qui vivent le processus de conscientisation Et bien entendu, il y a également le principe de l'amour, parce qu'on parlait tantôt de la volonté, de l'intelligence, et l'amour, ce qui forme le mot « via », qui veut dire « voie » en latin. Donc, c'est sûr que la voie de la réalisation totale de l'être passe par l'intégration de l'amour. L'amour, c'est quoi? Ben, c'est que l'individu est capable de générosité par rapport à d'autres personnes. Et c'est sûr que mon amour va aux gens qui se sentent solidaires de la démarche que je propose à travers mes enregistrements. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sentent en affinité par rapport à la notion, entre autres, du grand travail d'harmonisation énergétique. Eh bien, à ces gens-là, j'ai de l'amour pour vous parce que nous allons dans la même direction. Et c'est sûr que je vous offre mon appui dans votre démarche pour connaître votre émancipation psychique. Donc, c'est sûr que c'est l'une des raisons, entre autres, pour laquelle je produis des enregistrements. Et ça me permet d'être solidaire avec des gens qui sont un peu partout dans le monde. Parce que lorsqu'on est capable de générer en soi un amour au niveau de l'être, au niveau de l'esprit, eh bien, c'est un amour de nature vibratoire qui part de là. Les distances sur le plan physique, on peut ressentir la vibration d'un être qui vibre à l'unisson avec le principe de l'amour. Peu importe la distance, quelqu'un peut écouter un enregistrement qui est situé en Europe et cette personne-là peut vivre simultanément une proximité psychique extrêmement grande par rapport aux propos qui peuvent être tenus dans l'enregistrement. Et c'est la raison pour laquelle que je dis aux gens qui écoutent mes propos, qui sont solidaires de ma démarche d'individuation, parce que après tout, au fil de différents enregistrements, des fois je vous partage des tranches de vie, de choses que je fais pour changer ma vie, parce que en faisant ça, eh bien, je peux donner, d'une certaine mesure, une forme d'inspiration à des gens qui, eux aussi, se sentent interpellés par ce processus de mutation psychique dans lequel ils ont la vibration de s'engager, de s'investir. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, les gens qui se sentent concernés par ce type de changement, eh bien, je me sens solidaire d'eux. Donc, autrement dit, je m'exprime dans l'optique d'une solidarité psychique et d'alliance psychique avec des gens un peu partout dans le monde qui se sentent interpellés par mes propos, par la vibration que je porte. Plus spécifiquement, eh bien, c'est sûr que j'aime les gens qui, de par leurs propos, à travers les échanges que j'ai eus, je sens que, à quelque part, sont impliqués eux également dans une démarche profonde, une démarche fondamentale, dans le but d'harmoniser leur vie à la vibration de leur être réel qu'ils portent en eux. Donc, c'est sûr que je me sens plus particulièrement solidaire des gens qui sont engagés présentement dans leur accomplissement total pour être bien dans leur peau, pour vivre dans la beauté, vivre dans l'intelligence, vivre dans l'abondance. Donc, autrement dit, qui sont impliqués non seulement à travers la parole, mais à leurs actions pour changer la vie qu'ils connaissent, pour l'amener plus loin. Et aussi, c'est à travers ce parole au niveau de ce travail au niveau de l'énergie qu'il est possible de convertir les mémoires anciennes et les faire éclater sur le plan de la forme pour libérer l'énergie qu'elles comportent et la réutiliser en tant que support à la construction d'une réalité nouvelle qui sera à l'image de nos besoins réels que nous portons en nous. Il est possible pour l'individu qui procède au grand travail d'harmonisation psychique de recodifier la pensée à travers la canalisation de l'esprit qui va la modifier, recodifier sa vie en fonction d'éléments évolutifs. Donc, une reprogrammation individuelle qui peut s'opérer à travers l'expression d'une parole et surtout à travers l'engagement dans le quotidien d'action en relation avec ça. Parce que le travail d'harmonie, c'est pas juste des belles paroles. Ça doit aussi s'impliquer dans le concret pour que ce soit un travail qui soit intégral, qui implique aussi toutes les dimensions de l'être de l'individu. Donc, c'est sûr que par rapport au grand travail d'harmonie, eh bien, il faut que la personne s'engage à travers son quotidien, jour après jour, à porter des actions en ce sens. Et c'est sûr que dans mon cas, j'ai eu entre autres à supporter et appuyer, entre autres ma mère qui a fait un grand ménage dans le passé chez elle. Puis elle me disait « Ah, ben tu m'aides à faire le ménage, je suis content, ça me donne de l'énergie. » Et ça me faisait plaisir de lui apporter une assistance dans ce type de travail en étant là. Quand on est présent à quelque chose, eh bien, une énergie qui est là, l'énergie de la présence individuelle. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, elle me dit, ça fait 3 générations ici que le ménage n'a pas été fait, il y a beaucoup de travail à faire. Et moi, j'y ai dit, eh bien, c'est le temps que ça change. Il faut établir un ordre en fonction de son individualité, se réapproprier les lieux de son domicile pour l'harmoniser à notre être total. Pour que lorsqu'on rentre chez soi, on sente cette vibration, cette réserve d'énergie en support à notre épanouissement personnel. Donc, il faut ressentir la beauté quand on rentre chez soi. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, je peux vous partager une petite anecdote, hein, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je suis engagé activement dans un travail énergétique chez moi pour, à travers l'expression de ma parole. Parce qu'à chaque fois que je fais des enregistrements chez moi devant mon ordinateur, je vise à charger la pièce de la vibration que je peux exprimer à travers ma propos pour qu'il y ait une densification énergétique où la pièce va être chargée de cette énergie qui va donner à ce lieu une vitalité particulière, une beauté. Et c'est sûr que récemment, j'ai été en voyage. Je me suis notamment retrouvé à un hôtel à Bécomo. Et là, j'ai rentré dans l'hôtel et la vibration est extrêmement lourde. Et puis là, il m'est venu en tête des images par rapport à des personnes âgées qui étaient malades, qui ont été à l'hôtel avant moi dans cette chambre. Donc, je ressentais une lourdeur dans la chambre où j'étais. Je ressentais que les murs étaient entachés de vibrations par rapport à de la plainte, par rapport à de la tristesse, par rapport à de la maladie non acceptée et non intégrée. Et je ressentais comme une énergie qui était rouge, mais pas de vitalité. C'était un rouge qui était plutôt fade, avec un peu de violet. Donc la vibration était astrale, n'était pas blanche, n'était pas transparente. Et là, j'étais là-bas, puis je sentais, parce que les murs sont absorbants de l'énergie des gens qui sont là, je ressentais que c'était pas ajusté par rapport à moi. Et j'étais contrarié. Et là, en plein voyage, je m'ennuyais de chez moi. Puis c'est sûr que quand je suis revenu chez moi, eh bien, c'est particulier l'expérience que j'ai vécue parce que dans cette ambiance-là, c'est comme si je ressentais qu'à quelque part, il y avait alentour de moi des entités qui se nourrissaient de l'énergie des gens qui allaient à l'hôtel dans cette chambre. Donc, ils étaient habitués de tirer l'énergie vitale des gens. C'est sûr que, dans le fond, d'être imprégné dans cette vibration-là, ça avait tendance à m'abaisser. Ce qui est particulier, c'est que j'ai fait plusieurs heures de route, parce que entre où je réside à Thetford, Mainz, qui est situé, pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde, ce que je pourrais dire, c'est que situé au sud de la ville de Québec, à peu près à 1h30 au sud, pour être plus précis, au sud-ouest, parce qu'au sud, carrément, il y a la ville de Saint-Georges. Donc, où est-ce que je suis? De Bécomo à là, j'ai parcouru peut-être 7 heures de route. Et puis, quand je faisais mon voyagement, j'étais un petit peu fatigué. Puis là, quand je suis arrivé chez nous, j'étais content. J'étais comme un enfant qui retrouvait la lumière ou un objet qui lui donnait accès à une vitalité. Tu sais, on a des enfants, par exemple. Bon, moi, j'en ai pas, là, mais je veux dire, des fois, on voit des enfants quand ils retrouvent leur toutou ou leur objet qu'ils apprécient, qu'ils adorent, ça peut être une poupée pour une jeune fille, l'enfant est excité, il y a de l'énergie. Moi, c'est la même chose pour chez moi. Puis curieusement, en arrivant chez moi, quand j'étais dans l'auto, j'étais fatigué, je rentre chez moi, puis c'est comme si le corps d'énergie était là pour me ressourcer. C'est intéressant. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, de percevoir ce corps d'énergie, puis quand je vous parle, je suis toujours au même endroit, puis là, j'ai fait au-dessus d'une centaine d'enregistrements à cet endroit-là. Je suis assis présentement à une chaise devant mon ordinateur, mais j'ai une intention de conscience accompagnatrice lorsque je prends la parole, qu'à chaque fois que je parle, la parole au micro est porteur de vitalité pour moi et pour les gens qui écoutent. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben t'es dans la suggestion, c'est une espèce d'effet placebo, ce que tu fais. » Ça reste à voir, vous pouvez faire une mesure vibratoire, puis même si ça se traite strictement au niveau de l'effet placebo, ça donne des résultats, parce que après tout, Il y a des gens qui vont prendre des médicaments, des pilules, et les pilules ne comportent pas d'agents actifs, alors que ces pilules leur permettent de connaître un sommeil réparateur. Puis l'effet nocebo aussi existe, l'effet contraire. Donc quelqu'un, par exemple, qui pense atteindre sa vie en prenant des médicaments, alors que les médicaments n'ont pas d'agent actif et que la personne connaît, par exemple, une diminution du pouls, ben, ça, c'est un exemple d'effet nocebo. Le corps réagit comme s'il a été confronté à une surdose de médicaments actifs, alors que ce n'est pas le cas. Donc, l'effet placebo, la croyance, l'intention a de l'impact. Donc, juste à ce niveau-là, il y a un impact qui existe, mais aussi existe un impact vibratoire. Parce que c'est important de s'approprier son lieu, puis je ne dirais jamais assez, pour que ça soit chargé d'une vibration de vitalité. Donc, c'est sûr que le public auquel je m'adresse, c'est des gens qui se sentent interpellés par le travail d'harmonie à la vibration de leur être réel pour devenir rayonnants dans leur existence comme des soleils. Non pas des gens qui vont vampiriser les autres pour s'accaparer leur énergie vitale, mais plutôt des gens qui vont être pleins, non pas d'un orgueil, mais pleins d'une vibration vitalisante parce qu'ils vont se permettre de laisser circuler en eux. Ils vont se permettre de laisser librement circuler l'énergie qui va être porteuse de la vitalité et en s'harmonisant à leur énergie de l'esprit, eh bien, naturellement, ça va changer votre taux vibratoire, ça va changer votre état de santé. Puis, si vous êtes déjà en santé, bien, ça va vous permettre de vous y maintenir. Parce que de s'ajuster en fonction de rogement vibratoire, c'est bien, mais de s'y maintenir dans le temps, c'est mieux. D'où la pertinence de faire le travail d'harmonie en relation avec ça. Donc, c'est sûr que par rapport aux gens qui m'écoutent, je tiens particulièrement à me remercier les gens qui, au fil du temps, m'ont fait une contribution financière. Donc, c'est sûr qu'il est encore le temps d'en faire une pour les gens qui apprécient particulièrement mes enregistrements. J'ai un compte PayPal en bas de l'enregistrement présent. Vous allez retrouver les coordonnées là, de ce dernier. En fait, c'est très simple. Vous pouvez me faire un virement si vous avez un compte PayPal au mien, étant à l'adresse David Lévesque Supra, au commercial, hotmail.com. Et c'est sûr que à ce moment-là, c'est une façon pour les gens qui apprécient mes enregistrements. Donc, s'il y a des gens que ça leur sert à se maintenir dans un état de vitalité élevé et que ça leur donne une forme d'assistance, une forme de support psychique par rapport au travail d'intégration énergétique en vue de reconfigurer leur existence, bien, si ça leur donne ça, tant mieux. Puis, si vous avez envie de manifester votre appréciation de cette façon, eh bien, je vous en serai très reconnaissant, bien entendu. Donc, je remercie donc infiniment les gens qui, au fil du temps, m'ont apporté une contribution financière, leur soutien à ce niveau-là, par rapport à la démarche que j'entreprends de jour en jour, en vue de connaître mon actualisation. Et c'est sûr que c'est des gens qui sont solidaires de cette démarche et qui veulent vivre leur actualisation. Eh bien, comme mentionné précédemment, je leur offre mon soutien dans ce sens-là parce que c'est important qu'éventuellement les gens qui se sentent interpellés pour modifier leur vie le fassent. Et c'est à travers l'engagement avec toi qu'on peut y arriver. Et c'est fondamental. Puis c'est sûr qu'au fil des siècles, il y a plusieurs gens qui vont en ce sens-là. Eh bien, c'est toute la psyché de la Terre qui sera altérée par des gens qui auront manifesté une vibration qui va réharmoniser l'éther de la Terre en fonction d'une vitalité qui va leur permettre le renouvellement de cette dernière. Donc, au lieu que la Terre soit comme de l'eau stagnante en fonction de pensées mémorielles issues du passé, teintées de souffrance, de tristesse, de colère, mal intégrées, de la jalousie, eh bien, le grand travail de transmutation, de transformation peut s'opérer à travers des individus qui manifestent une vibration nouvelle qui sera enregistrée dans l'éther de la Terre et qui sera porteuse de vie, non pas comme une eau stagnante, mais qui sera porteuse d'un renouveau créatif, comme par exemple une vague d'énergie qui se circule et qui se recrée d'une manière perpétuelle pour que l'être qui reçoit cela soit dans un processus perpétuel de récréation psychique. Dans le sens de loisir, c'est agréable, hein, la récréation. Pour certains, c'était la matière préférée lorsqu'ils étaient aux études, à l'école. Mais ici, la récréation, c'est dans le sens de se recréer à l'image de la créativité qu'on porte pour pas être fiché dans une forme. Donc, est à l'image de la vibration plutôt que d'être sclérosé dans des formes anciennes, rigides et qui gardent la personne associée psychiquement à un passé rétrograde. Donc, il faut être capable d'aller vers la nouveauté, il faut être capable d'aller de l'avant et toujours aller plus loin dans le renouvellement psychique, dans l'optique de bénéficier d'une vitalité qui va nous permettre d'actualiser de plus en plus de choses dans notre existence et ainsi être dans un état qui nous permet d'harmoniser notre environnement, notre vibration. Donc, lorsqu'on est rempli d'une énergie vitale, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'énergie veut circuler, donc elle va rayonner face à l'environnement, à l'extérieur de nous, elle va émaner de notre être et c'est tout à fait naturel. Donc, autrement dit, si la personne est pleine d'énergie vitale parce qu'elle se permet, elle se donne le droit de s'ouvrir à l'esprit qu'elle porte en elle, eh bien, elle va rayonner ça dans son environnement. Ça peut passer par l'altération vibratoire de sa résidence, ensuite de son lieu de travail. Et ensuite, cette énergie peut travailler les gens avec lesquels on interagit dans notre quotidien pour qu'ils soient harmonisés à cela. Donc, s'ils l'ont à l'aide, bien sûr, donc l'énergie peut passer à travers nous pour pénétrer la psyché d'une personne qui est appelée à changer sa vie et qui sera à ce moment-là porteuse d'une vibration nouvelle qui va potentiellement atterrir la psyché de l'autre personne qui va être en contact avec elle. Et ici, il y aura la propagation d'une mutation vibratoire qui va se diffuser un peu partout avec une forme de réaction en chaîne. Donc, quelqu'un qui intègre une vibration, qui va la transmettre à une autre personne. Donc, à ce moment-là, il y aura la contamination psychique de différentes personnes sur le plan créatif et ça va se propager dans le monde là, avec le temps. Donc, c'est sûr que par rapport aux enregistrements, ce que je peux mentionner, eh bien, c'est sûr que moi, dans le passé, vous savez, j'ai déjà acheté des enregistrements de Daniel Ménard. Donc, lorsque je les achetais et je les commandais par la poste, lorsque cet individu qui a été conférencier et également intervieweur de Bernard de Montréal vendait des enregistrements, donc je les commandais par la poste et lorsque je les recevais chez moi, eh bien, il y avait mon chat qui allait sentir l'enveloppe, étant donné que Daniel Ménard avait plusieurs chats. D'ailleurs, son surnom était Gros Minou. Et le chat allait tout le temps voir l'enveloppe. Donc, il n'était pas nécessairement attiré par la vibration de l'enregistrement, mais par la vibration, en fait, par rapport à l'odeur des chats là, qui teintaient là, ces enveloppes-là. À la différence des autres enveloppes, quand que je mettais sur la table d'autres types d'enveloppes, non, le chat n'y allait pas. Mais quand c'était des enveloppes qui venaient Daniel Ménard, il accourait pour aller sentir l'enveloppe et il allait la renifler, il allait jouer avec. Et c'est sûr que pour moi, ça a été le moyen d'apporter mon soutien, mon support à cet individu qui, de son vivant, parce que maintenant il est décédé, a véhiculé une vibration qui était favorable à l'intégration du principe « vibrer puis agir » et l'intégration d'une conscience au quotidien. Et c'est sûr que présentement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, je fais des enregistrements pour qu'il y ait une continuité par rapport à la diffusion d'une certaine conscience à travers la parole. Donc, c'est sûr que par rapport à lui, ça a été un plaisir et un privilège pour moi d'y apporter, à travers l'achat d'enregistrement, un soutien financier de mon vivant, parce qu'après tout, Daniel Ménard, il devait se loger, se nourrir, payer aussi pour l'électricité, payer pour l'essence de sa voiture, et ainsi de suite. Donc, il y avait des dépenses à répondre dans son quotidien. Et c'était à ce moment-là un plaisir pour moi d'être solidaire par rapport à son activité de communication, d'émission vibratoire. Et c'était la même chose aussi par rapport au philosophe jovialiste André Moreau, qui fait un travail aussi dans la diffusion de l'énergie étrique, qu'il appelle, c'est-à-dire l'énergie de l'être. Donc, c'est sûr que par rapport à lui, j'ai acheté notamment des enregistrements via Internet avec grand plaisir. Donc, c'est sûr que pour moi, d'apporter mon soutien à des gens qui sont l'expression d'une vibration en l'infinité avec mon être, avec des gens avec lesquels je me sens sur la même longueur d'onde, eh bien, pour moi, c'est un plaisir. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, je ne fais pas tout le temps dans mes enregistrements en passant, Et là, j'avais le goût de le faire en mettant un petit peu plus d'emphase là-dessus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'invite des gens qui sont en affinité, notamment avec les entrevues que je produis, les vidéos que je fais sur différents sujets, comme mentionné précédemment, et qui veulent m'apporter leur soutien, étant donné que comme chaque être humain, j'ai des besoins à répondre. C'est sûr que de faire des enregistrements, ça m'amène entre autres à payer pour une connexion Internet, donc pour les rendre disponibles au public. J'ai aussi l'achat d'un ordinateur. J'ai encore à me nourrir sur le plan physique, bien que j'aspire éventuellement à développer la capacité davantage de me nourrir sur le plan psychique. Donc, c'est sûr qu'on verra jusqu'où va m'amener ce travail d'harmonisation, parce qu'après tout, il y a des gens qui disent présentement « vivre de l'énergie du prana et fonctionner sans se nourrir d'énergie physique ». Bien, on va voir jusqu'où cela va mener, mais pour l'instant... Donc, s'il y a des gens qui se sentent concernés par ce que je fais et qui veulent m'apporter leur soutien, eh bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous pouvez me faire une contribution financière à mon adresse courriel étant David Lévesque Supra, acommercial@hotmail.com. Et en terminant, eh bien, c'est sûr que ça me fait plaisir au fil du temps de faire des enregistrements, de bénéficier aussi de commentaires d'appréciation que j'ai eu de plusieurs personnes qui m'ont partagé le fait qu'à l'écoute de ces enregistrements-là, eh bien, dans certains cas, ça leur a donné l'inspiration, ça leur a mis en contact avec une vibration qui, à ce moment-là, est solidaire de leur démarche pour changer leur vie, de se mettre en action pour se réinventer créativement et rayonner de beauté. Donc, voilà l'essentiel de mon propos auquel je voulais en venir aujourd'hui. Et c'est sûr qu'en terminant, pourquoi pas faire une petite séance de bénédiction et pour donner aussi ma gratitude aux gens qui se sentent concernés par mes propos, qui m'ont fait des dons aussi. Donc, c'est sûr que fondamentalement, je vous propose de vous brancher sur la vibration de votre être qui peut émerger. Sur la vibration de l'énergie de la conscience supramentale pour s'y harmoniser. Et c'est sûr qu'on peut bénir notre capacité à se brancher psychiquement sur l'intelligence, sur la beauté, sur le savoir, sur ce qui nous permet d'être libres. C'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes. Je bénis. C'est-à-dire que j'investis de ma présence, je codifie ma vie en fonction d'une intention claire de connaître l'harmonie. De connaître l'épanouissement physique, tout d'abord. Sur le plan de l'entraînement, je bénis ma capacité à soulever des poids et haltères pour être en bonne forme physique. Je bénis par la chute la souplesse de mon corps pour qu'il soit capable de me suivre lorsque je fais des mouvements de yoga, lorsque je fais des exercices de détente, lorsque je fais du tai chi. Par la chute, je bénis la capacité également de mon corps, cette fois-ci émotionnel, à s'harmoniser à mon être global pour qu'il soit capable d'intégrer les différents éléments adverses auxquels je peux être confronté dans la vie de tous les jours. Je renforce mon corps émotionnel en l'harmonisant à la masse d'énergie de mon être pour qu'il soit capable de faire face à différentes éventualités, pour qu'il soit stable et qu'il soit capable par la suite, de me faire connaître et d'éprouver la beauté que je peux voir dans un coucher de soleil, la beauté qui peut être perçue lorsque, par exemple, je regarde un beau paysage, une belle peinture. Donc, je bénis cette capacité à ressentir la beauté, l'amour que peut manifester, par exemple, un artiste à travers une chanson, à travers son œuvre, être capable de le capter, capter la beauté que les gens portent, l'amour qu'ils sont capables de mettre dans leurs paroles, dans leur expression d'eux-mêmes. Ensuite, je bénis mes capacités intellectuelles pour apprendre les langues. Nous sommes à une époque de la mondialisation, de la communication. Je bénis ma facilité à être capable de communiquer en anglais, être capable de communiquer en espagnol. Et si je ne connais pas la langue, pour ne pas l'avoir étudiée, être capable de m'y débrouiller. Je bénis ma capacité de me brancher psychiquement au traducteur universel que représente mon esprit, c'est-à-dire ma capacité à lire la vibration derrière les formes que représentent les mots utilisés dans une langue que je ne connais pas, pour être capable de capter l'individu dans son essence, d'être capable de capter la pensée à la base de la codification langagière que l'individu fait. Donc, autrement dit, si je vois, par exemple, une personne qui parle chinois et que je ne connais aucun mot de cette langue, eh bien, je bénis ma capacité à me lier psychiquement à l'entité qui s'exprime à travers lui pour avoir accès à l'essence de ce qu'il veut véhiculer. Autrement dit, je bénis ma capacité à aller voir par l'intérieur de moi puis demander à l'esprit, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis là, l'esprit va me répondre que la personne, en réalité, il demande à quel endroit où se trouvent les toilettes. Donc, il faut être capable de bénir sa capacité à capter l'autre en dépit de la différence de la langue et bénéficier aussi de la capacité de vivre une communication télépathique avec l'esprit qui va nous expliquer clairement ce que l'autre veut dire en dépit de la barrière de la langue qui représente une forme, un symbole. Il faut aller au-delà du symbolisme pour accéder à cela. Je bénis par la suite, c'est sûr, mon épanouissement sexuel. Et je bénis aussi les gens qui veulent vivre un épanouissement, c'est-à-dire une capacité de jouir de leur sexualité, d'être à l'aise sur le plan sexuel, d'être capable d'éprouver l'orgasme, d'être capable d'éprouver des états de détente qui vont servir à ces personnes à se rééquilibrer par rapport à l'énergie d'électrification qui peut être déployée lorsque la personne vit une parole vibratoire, lorsque la personne vit la présence de l'esprit qui, tel un feu, cherche à s'exprimer à travers elle. Donc, je bénis la capacité d'équilibrage que peut représenter la capacité de connaître l'orgasme, un peu comme un fusible qu'on va relâcher à certains moments, pour connaître un état de calme après avoir vécu un état psychique d'intensification énergétique. Donc, je bénis l'épanouissement sexuel de mon être et aussi de ceux et celles qui s'ouvrent à bénir en ce sens aussi simultanément avec moi pendant qu'ils écoutent leur enregistrement. Parce que si vous écoutez l'enregistrement, eh bien, vous pouvez formuler d'une manière interne ou externe des bénédictions simultanément pour aller dans le sens de ce mouvement et en tirer profit, bien entendu, d'investir un mouvement de bénédiction, c'est-à-dire d'utilisation de la parole avec une intentionnalité claire d'épanouissement et en manifestant une parole vibratoire de votre côté, une parole chargée d'énergie qui est porteuse d'une vitalité et d'un renouvellement, eh bien, c'est ça qui va donner des résultats et qui va permettre d'amplifier sur le plan vibratoire le phénomène de la bénédiction pour l'accentuer, pour en bénéficier davantage. Donc, c'est sûr que si une personne, par exemple, procède à l'exercice suivant, donc, je peux le faire tranquillement. Je vais le faire 3 fois. Pourquoi? Parce qu'à travers la répétition, il y a une imprégnation, il y a une recodification de la psyché de l'individu en fonction de ce qu'il veut actualiser. Donc, autrement dit, si la personne dit ceci, « Je bénis la santé de mon corps physique. Je bénis la santé de mon corps physique. Je bénis la santé de mon corps physique. » En étant présent, il ne faut pas que ça se fasse d'une manière machinale. Il faut que la personne soit présente au mot et que simultanément, elle visualise que sa santé s'harmonise en fonction de l'intention de conscience qui est engendrée par la parole et qu'elle agisse aussi en conséquence dans son quotidien naturellement. Et c'est en faisant ça qu'une altération, une reprogrammation, une recodification psychique qui peut s'établir. Donc, ça peut être nourri dans le temps pour faire face à une programmation inconsciente subie de par la société, de par les parents, de par des amis, ainsi de suite. Donc, on peut se reprogrammer, et ça, ça peut se faire à n'importe quel âge, mais il faut en avoir la volonté, donc, d'aller en ce sens-là. Donc, on peut bénir en répétant 3 fois, mais ça peut se faire aussi avec une intention de conscience claire et synthétique. Donc, je bénis mon corps physique avec une certaine intensité. Ensuite, je bénis mon corps émotionnel pour qu'il soit harmonisé à mon être. Je bénis mon corps émotionnel pour qu'il soit harmonisé à mon être. Je bénis mon intellect pour qu'il soit capable de capter différentes pensées. Je bénis mon intellect pour qu'il soit capable de capter différentes pensées. Je bénis mon intellect pour qu'il soit capable de capter différentes pensées. Je bénis par la suite mon épanouissement sexuel. Je bénis mon épanouissement sexuel. Je bénis mon épanouissement sexuel. Je bénis l'abondance dans ma vie financière. Je bénis dans ma vie l'abondance financière. Je bénis dans ma vie l'abondance financière. Je bénis dans ma vie l'abondance financière. Je bénis ma conscience pour qu'elle prenne de l'expansion. Je bénis ma conscience pour qu'elle prenne de l'expansion. Je bénis ma conscience pour qu'elle prenne de l'expansion. Je bénis mon être pour qu'il prenne toute sa place. Je bénis mon être pour qu'il prenne toute sa place. Je bénis mon être pour qu'il prenne toute sa place. Je bénis ma volonté pour qu'elle prenne toute son envergure. Je bénis ma volonté pour qu'elle prenne toute son envergure. Je bénis ma volonté pour qu'elle prenne toute son envergure. Je bénis mon intelligence. Je bénis mon intelligence. Je bénis mon intelligence. Je bénis l'amour que je peux manifester pour l'amplifier. Je bénis l'amour que je peux manifester pour l'amplifier. Je bénis l'amour que je peux manifester pour l'amplifier. Je bénis ma volonté harmonisée à l'intelligence et l'amour. Je bénis ma volonté harmonisée à l'intelligence et à l'amour. Je bénis ma volonté harmonisée à l'intelligence et l'amour. Donc, on a béni pas mal, là. Mais vous pouvez bénir différentes choses. Vous pouvez créer un mouvement d'amplification énergétique à travers la parole pour vous favoriser dans votre vie. Donc, au lieu de laisser la vie au hasard ou qu'elle soit régulée en fonction de programmations anciennes qui nous ont été imposées dans le passé, pourquoi pas utiliser sa conscience pour réorganiser sa vie à un plan qui va, à ce moment-là, nous permettre d'être bien dans notre peau puis nous épanouir. Donc, voilà l'essentiel de mon propos et je salue les super vivants et vivantes qui m'écoutent et aussi aux gens qui aspirent à l'être. Et sachez que par-delà les distances, par-delà aussi le temps auquel vous allez écouter cet enregistrement, eh bien, si l'enregistrement se fait sur la vibration est au-delà de la temporalité et la linéarité. En ce sens que la vibration d'un être qui est manifesté dans la parole, qu'elle soit écoutée dans 20 ans, dans 100 ans, eh bien, la personne qui écoute l'enregistrement peut capter l'activation énergétique qui est présente. Et comme l'être, votre esprit, est au-delà de la temporalité, eh bien, à ce moment-là, son rayonnement se fait par-delà le moment où l'enregistrement a été manifesté et écouté. Donc, c'est sûr que quelqu'un peut se brancher psychiquement avec la vibration d'un enregistrement, peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, que ce soit... peu importe les distances. Donc, c'est sûr que je vous parle dans cette optique qui est très particulière, j'en conviens, mais c'est ainsi. Puis, je vous dis, salut et à bientôt. Au revoir.